parole céleste là. N'a pas la prière pour moun sa yo qui besoin bon Dieu. Qui besoin pour yo capable convertir nan yo. Musique ça c'est pour yo. promesse là, ça c'est parole vivante, ça c'est parole vérité.